choc, choc, chromatique. 2007, 9-2, représenté. M, tu veux de l'énergie? Moi j'ai trouvé la stratégie. Ma thèse, source d'inspi, te mets des grosses flugies. Trop dans l'inédit, j'écoute pas les ondits. Dis au grand de la Tessie que Chroma est plus petit. Tu peux me détester, mais jamais me tester. Mon rap à l'audi TT, le tien un VTT. T'es mal résultat, j'ai le seum de Vegeta. Mon son te met en état, du spé comme sous Sexta. J'm'implique, t'explique, le rap manie la technique. Mouvement authentique, les autres équipes, tu sais qu'on les nique. Rafale de Stosba, qui vient faire des dégâts. Attache bien tes skates, pas, j'mets plus de pute que 30 pas. Faut le savoir que j'déboîte, j'fais des têtes à queue. Et que j'ignore ceux qui servent à sucer des queues. C'est pour toutes les races, Rapza, Renoir, Nawash. Trop de gouache, des battages, mitraille comme un calage. J'fais ça bien, donc retiens bien. Le potentiel et le talent, c'est moi qui le détient. J'ai pas commencé hier, mais depuis la primaire. Si t'aimes pas, frère, va niquer ta mère. J'fais ça bien, donc retiens bien. Le potentiel et le talent, c'est moi qui le détient. J'ai pas commencé hier, mais depuis la primaire. Si t'aimes pas, frère, va niquer ta mère. J'fais ça bien, donc retiens bien. Le potentiel et le talent, c'est moi qui le détient. J'ai pas commencé hier, mais depuis la primaire. Si t'aimes pas, frère, va niquer ta mère. J'fais ça bien, donc retiens bien. Le potentiel et le talent, c'est moi qui le détient. J'ai pas commencé hier, mais depuis la primaire. Si t'aimes pas, frère, va niquer ta mère. Trop chromatisme.